chasseur d'escorts, une minute pour opérer, assassin sans remords, les rappeurs formatés. Si je suis sordine, fume la purple, besoin de personne, je me fais tout seul. T'as le capote qui a craqué, un toxico qui me fait gerber. Coule ma chaîne dans la tête, on pulvérise tes os, tu plus grave la défaite, t'as plus d'enfant le beau. C'est ton cadavre, des mouches, normal pour une tapette. Ton rap de sa petite touche, rêve à la baïonnette. T'es respectable, je suis respecté, c'est indéniable, tu vas crever. On est trop court, presque déçu, pour faire le tour d'un ange déchu. Boucher des hôpitaux. T'es ta cervelle, qui est sur mon palier. T'es dans une poubelle, et tu vas y crever. C'est ton scalpel que je t'ai travaillé. T'es une pucelle, chez un fourniret. C'est docteur macabre qui n'a aucun respect. Te décapite ton sabre ou te perce comme un beignet. Docteur d'escorts, invincible et bourrin. Fournisseur de mort, un rappeur assassin.